إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في جواب المؤلف رحمه الله تعالى، الجواب المفصل على من على شبهات هؤلاء، ومنها أنهم مسلمون فكيف تكفرونهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله وغير ذلك. Sont toujours dans la réponse de l'auteur, la réponse détaillée, parmi l'une de leurs plus grandes shubuhat, qui est qu'ils disent qu'eux sont des musulmans, donc tout l'istidlal qu'on a pris depuis le début n'est pas valide sur eux, car ils ne sont pas comme Quraysh. Donc on avait expliqué que celui qui dément une chose du Coran, même s'il fait le reste, il aura mécru pour cela. Donc là l'auteur il continue sur cette mas'ala. فقال رحمه الله تعالى ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجهد وجوب الصلاة فإنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جهد جهوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف مذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. Donc il dit également, si jamais tu reconnais que celui qui a cru le messager sallallahu alayhi wa sallam en toute chose, mais qui aura masalan renié l'obligation de la salat, qu'il est kafir, dont le sang est halal, et cela avec ijma', ainsi que ses biens, et kazalika, si jamais qu'il reconnaît toute chose sauf la résurrection, ou kazalika, qu'il a renié l'obligation du somme de Ramadan, et qu'il a reconnu tout le reste, il n'y a aucune différence et aucune divergence entre les mazahib sur sa situation qu'il a un kafir, et que le Coran a déjà énoncé cet takfir comme nous l'avons démontré précédemment dans les douloufs précédents, dans cette parole. فمعلوم أن التوحيد وأعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جهد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جاهد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. Donc il dit, il est connu que le tawhid c'est la plus grande obligation par laquelle sont venus les messagers. Et cela est encore plus grand et encore plus immense que la salat ou que la zakat ou que le saum ou que le hajj. Donc comment une personne qui renie de ces choses, c'est-à-dire parmi ces rites de l'islam, devient kafir même s'il les applique, même s'il applique tout ce que avec quoi sont venus les messagers, quand même. Alors que dire si jamais il venait à renier ce tawhid, celui qui est la religion de tous les messagers, il ne m'y croit pas, il dit subhanallah, cela est vraiment une ignorance ahurissante. Et on sait que le tawhid c'est la base de toutes les œuvres. Donc ça veut dire que même s'il faisait toutes les œuvres et qu'il tombait dans le shirk, cela viendrait avoir ses œuvres annulées toutes. C'est la base de toute chose. Comme a dit Ta'ala, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Donc il dit, nous avons certes révélé à toi et à ceux d'avant que si jamais tu avais associé, tes œuvres auraient été annulées et tu aurais été du nombre des perdants. Alors c'est plutôt Allah que tu dois adorer et que tu sois du nombre des reconnaissants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il parle à qui? À son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui lui est infaillible, qui ne fera jamais de shirk, en guise d'avertissement pour les autres de sa communauté. S'il dit ça à son messager qui lui-même est infaillible, qui ne fera pas de shirk, chose qui est impossible, et lui dit que ses œuvres seront annulées, alors qu'en est-il de nous? Donc celui qui tombe dans le shirk, qui renie le tawhid, quand même, toutes ses œuvres qu'il ferait seraient annulées. Donc que dire de celui qui renie ce tawhid? Que dire de celui qui renie ce tawhid, quoi qu'il fasse comme œuvre? وقال المؤلف بعد هذا ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذنون ويصلون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي فقل هذا المطلوب هذا والمطلوب إذا كان من رفع رجلا لرتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه أشادة ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. وكذلك يتبع الله ولا قلوب الذين لا يعلمون. Donc on peut dire également, si ces gens-là qui étaient parmi les Sahaba, qui ont combattu Bani Hanifa, alors que eux s'étaient convertis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui faisaient l'attestation, ils disaient la ilaha illallah, anna Muhammadan Rasulullah, tamam, et qui faisaient l'avan, ils faisaient la salat. Les Sahaba les ont combattus après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui, c'est peu qu'ils te disent, mais eux, ils ont mécru parce qu'ils ont dit que Moussa Ilema c'était un nabi. Ils ont attribué le statut de la Nubuwa à un homme, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit la nabi est ba'di. Et dans le Coran, il est écrit Muhammad Rasulullah wa khatim al-nabiyyin. Dans le Coran, il est écrit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Et lui-même l'a dit. Donc en attribuant à un autre prophète, ils auront démenti le Coran. Donc pour cela, les Sahaba les ont combattus. Et les ont rendus mécréants. Donc il dit, l'auteur dit ça, c'est ça qu'on veut de toi, que tu reconnaisses. Que si jamais une personne élève un homme au stade d'un prophète, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il mécroit pour cela, et que son sang et que ses biens deviennent licites, et que les deux shahada ne lui servent à rien, ni la salat, alors que dire celui qui aura élevé des gens comme Shamsan, ou Yusuf, ou un sahabi, ou un prophète, au niveau, au même statut que Al-Jabbar, c'est-à-dire au même niveau que Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'adoration. Il dit gloire à Allah. Comme est grave cette situation. Après, il lit le verset dans le sens où Allah dit, c'est comme cela que Allah scelle les cœurs de ceux qui ne savent pas. Donc là, il se répond à lui-même en faisant cela. Vous reconnaissez la mécréance de celui qui dit que Fulan est un nabi, alors que c'est un homme, alors que dire de quelqu'un qui fait une chose qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala al-mu'allifu wa yuqalu aidha alladhina harrakuhum Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bin nar kulluhum yad'una بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه تعلموا العلم من الصحابة ولكن يعتقدوا في علي مثل اعتقاد في يوسف وشمسان وأمثلهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ Donc on dit également ces gens-là. Ceux que Ali subhanahu wa ta'ala a brûlés par le feu, tous étaient apparentés à l'islam. Ils étaient parmi les compagnons de Ali, radiallahu anhu. Ils ont appris la science des sahaba. Cependant, c'est quoi la cause? C'est qu'ils se sont mis à avoir comme irtiqad sur Ali, tout comme vous, vous avez l'irtiqad sur Yusuf, wa Shamsan, wa Amsalihima, des gens qui sont adorés. Yusuf, le Alaou, le Nabi. Peut-être qu'il vise par là le Nabi. Shamsan et tous les Aouliyeh ou les gens qu'ils adorent. Donc il dit, comment se fait-il que les Sahaba ont été unanimes sur le fait de les tuer, ces gens-là, et de les rendre mécréants? C'est-à-dire ceux qui ont mis Ali, quand même, qui sont mis à adorer Ali, et à le mettre à un stade plus haut que le sien. Et ça, c'était la base, le début du Rafd. Quand même, le Tashayyu'a. Ça a commencé comme cela. En exagérant dans la personne de Ali. Donc l'auteur dit, est-ce que vous pensez que les Sahaba vont se mettre à rendre mécréants les musulmans comme ça? Est-ce que vous pensez que l'irtiqad, cette croyance que vous avez sur ces gens que vous invoquez et autres, ne nuit pas, et que le fait d'avoir une croyance sur Ali, cela amène à ce qu'on te rende mécréant et qu'on te tue? Qui est le plus en droit des deux par rapport à cela? Et Tambi, c'est le fait que Ali les ait brûlés, ça c'est une chose, ça a été une erreur de sa part, car le fait de brûler a été interdit. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'azib bin nar illa rabbun nar. Seul, châtie par le feu, le seigneur du feu. Au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait autorisé, après cela a été abrogé, il l'a interdit. Donc sûrement que le Hujja n'est pas parvenu à Ali, radiallahu anhu, et on sait qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, a été en désaccord et a blâmé le fait que Ali les ait brûlés. Pas le fait qu'il les ait tués, mais le fait qu'il les ait brûlés. Naam. ثم قال المؤلف ويقال أيضا بنو عبيد القضاح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنفذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. Donc on dit également, qu'est-ce qu'on rajoute? Que les gens, les fils de Ubayd ibn Qaddah, ceux qui ont possédé le Maghreb à l'époque, ni le Maghreb, ni arabe, ainsi que Misr et l'Égypte à l'époque de Bani Abbas, tous témoignaient et disaient « La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah ». Ils prétendaient l'islam, ils faisaient la salat de Jumu'ah, ils faisaient la salat en Jama'ah. Mais lorsqu'ils ont fait apparaître des oppositions à la Sharia, dans des choses qui sont moindres que le Tawhid, même dans les choses moindres que le Tawhid, les ulama ont été unanimes sur leur mécréance et sur l'autorisation de les combattre. Et que leur pays était des pays de guerre. C'est-à-dire tout ce qu'ils posaient comme pays, ces gens-là, qui à la base proclamaient les emblèmes de l'islam, ont été déclarés comme pays de guerre. Donc les musulmans les ont attaqués, taillés, et ont récupéré toutes ces terres. Là, ce sont des faits qui sont passés dans le passé. Taïeb, donc le shahid, c'est qu'il y a ijma des ulama que ces gens-là, je ne sais pas, je ne connais pas dans le tarikh ce qui s'est passé exactement, je n'ai pas eu le temps de chercher, quels ont été les mukharafat qu'ont fait ces gens-là. Al-Muhim, s'il y a eu ijma des ulama qui ont été combattus et qu'ils ont récupéré tous les pays de leurs mains, alors il y a que fait. Bizina ta'ala. ثم قال المؤلف يقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن إنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. Qu'est-ce qu'on leur dit également? Que si les premiers n'ont pas mécru, si ce n'est du fait qu'ils se sont réunis sur le shirk, qu'ils ont démenti le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que le Coran, et qui ont renié la résurrection et autre que cela, si c'était seulement pour cette cause-là, alors, quel est l'intérêt que les ulama aient mis dans leur kutub le chapitre qui est le jugement de l'apostat? Qui est l'apostat, le murtad? C'est le muslim qui a mécru après avoir eu l'islam. Et ensuite, ils ont cité plusieurs faits qui amènent à ce que le muslim sorte de l'islam et qui en sont licites ainsi que ses biens. Vous voyez? Et des choses moindres que le tawhid, comme le fait qu'il prononce une parole de sa langue sans qu'il ne la croie. Une parole de kouf, dans son cœur il ne la croit pas mais il la prononce. Et cela sans contrainte et sans peur et al-zalika. Ou alors qu'il prononce une kalimette en plaisantant ou en jouant. وَيُقَالْ أَيْضَا الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدِ إِسْلَامِهِمْ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ كَفَّرَهُمْ بِكَلِمَةٍ مَا كُونِهِمْ فِي زَمَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَاهِدُونَ مَعَهُ يُصَلُّونَ وَيُزَكُّونَ وَيَحُجُّونَ وَيُوَحِّدُونَ. Et on dit également, qu'est-ce qu'on donne comme autre réponse à ces gens-là? Que ceux dont Allah SWT a dit dans son livre, dans le sens, ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit alors qu'ils ont prononcé la parole de kufr et qu'ils ont mécru à part l'islam. N'as-tu pas entendu que Allah SWT les a rendus mécréants pour une parole alors qu'ils étaient à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont combattu avec lui, ils ont fait la salat avec lui, ils ont donné la zakat, ils ont fait le hajj et ils ont unifié Allah dans l'adoration. Wa qala kadhalik. وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمات ذكروا أنها قالوها على وجه المزح فتأمل هذه الشبهات وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. On te dit également, ceux dont Allah, dans le sens où il dit est-ce d'Allah et de ses versets et de son messager dont vous vous moquez, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Donc ceux-là, que Allah a clairement dit qu'ils avaient mécru après avoir eu la foi, alors qu'ils étaient avec le messager sallallahu alayhi wa sallam dans la conquête de Tabouk, qui est l'une des plus grandes conquêtes qui a été faite, les plus dures. Ils ont juste dit une parole qu'ils prétendent avoir dit en plaisantant. Donc, après que tu aies su cela, réalise un petit peu et médite sur la shubuhat de ces gens-là, qui disent, c'est-à-dire en parlant des gens du tawhid, comme l'auteur et ceux qui sont d'accord avec lui, qui suivent l'adillah, ils disent, vous rendez mécréants les muslimines, des gens qui témoignent, qui disent la ilaha illallah, qui font la salat, qui font le saum, et ensuite, si tu as compris cela, alors médite sur la réponse qui va arriver, car elle est parmi ce qu'il y a de plus bénéfique à lire dans ces pages. Et par rapport à ça, Cheikh Al-Othaymeen, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le hukm du kufr sur les munafiqin, ceux qui sont moqués d'Allah et de ses versets et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ont dit « Mara'ayna misl qura'ina ha'ulay ahrabu butunan wala akzab arsinatan wala ashban anda liqa » Yani, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba. Donc il dit, nous n'avons pas vu, voyez, de plus gros ventre que ceux-ci, de plus langue, de plus mensongère que les leurs, et de plus peureux lors de la rencontre. Et visé qui par là? Le messager sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset, « La in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab » Et le verset, que si jamais tu nous interrogeais, il te dirait, « Nous ne faisions que plaisanter, c'est-à-dire la plaisanterie de voyage, lorsqu'on discute en voyageant. » Après, c'était le reste du verset, sur lequel il démontre bien qu'ils sont devenus des koufars après cela. قال المؤلف ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقال أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنوات فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. Donc il dit parmi les preuves également, c'est-à-dire que le muslim, tayyib, peut tomber dans le kufr, et sans même s'en rendre compte. Il dit, et parmi les preuves de cela également, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a rapporté des Bani Israël, malgré ce qu'ils avaient comme réforme et comme science, et comme soumission, qu'ils ont dit à Moussa, lorsque dans le sens Allah il dit, accorde-nous une divinité comme ceux-là ont une divinité. Et également la parole de certains parmi les sahaba, lorsqu'ils ont dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui étaient des nouveaux convertis à l'islam, « Ijal lana zat anwat » accorde-nous un arbre sur lequel on accroche les armes, en but de chercher la baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré que cela est exactement ce qu'ont fait les Banu Israël en disant à Moussa, « Accorde-nous une divinité. » « Qal, walakin lil mushrikin shubuha » يدلون بها عند هذه القصة وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنوات لم يكفروا فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف أن الذين ناهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنوات بعد نهيه لكفروا هذا والمطلوب. Donc il dit, maintenant ces mushrikoun, ils ont une shubha par rapport à ces histoires. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que mais Banu Israël n'ont pas mécru par cela. Et également ceux qui ont dit cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les sahaba n'ont pas été jugés de mécréants. Taïeb. Donc c'est quoi la réponse à leur shubuhat? C'est que les Banu Israël l'ont dit, ont voulu, mais ne l'ont pas fait. Car Moussa les a blâmés et ils n'ont pas fait, ils n'ont pas insisté, ils n'ont pas continué. Également, ceux qui ont dit cela au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jallana Zatel Anouat, n'ont pas agi. Ils ont voulu, car ils ont été ignorants de la mas'ala, et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés, et leur a enseigné, ils n'ont pas insisté, ils n'ont pas continué. Et il dit bien qu'il n'y a pas de khilaf, que s'ils avaient agi après l'interdiction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils auraient mécru pour cela. Également, les Banu Israël, s'ils avaient fait cela, après que Moussa leur ait parlé, ils auraient mécru. D'ailleurs, les Banu Israël qui ont pris le veau d'or, quand même, ceux qui n'ont pas fait Toba sont morts sur le coffre. Ils sont morts sur le coffre. Et ça répond à la réponse à des gens qui malheureusement ont une fikra comme celle des Nasara en général. C'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tu es musulman, ton islam est garanti à vie. Quoi que tu fasses, tu as dit la ilaha illallah, tamam, Mohammed Rasulullah, quoi que tu fasses par la suite, on ne peut pas te rendre mécréant. Comme les chrétiens ils disent, si tu te baptises, même demain on dit que tu deviens bouddhiste, ou quoi ils t'enterrent chez les chrétiens. Tant que ce n'est pas toi qui demande à être excommunié, ils te considèrent comme étant un chrétien. Chez eux, il n'y a pas de takfir, takriban. Eh ben, chez nous, il y a de takfir pour ceux qui le méritent avec l'adillah. Et t'as des gens, ils ont ça comme fikr en islam. Foulen, même, c'est un arabe, mathalen, pour eux, c'est un musulman. Même si pas salade, c'est un musulman parce que c'est un arabe. Ou parce que son père, c'est un musulman. On dit non, l'islam, il n'est pas comme ça. Et là, ce livre te le démontre. Que t'as beau dire la ilaha illallah. T'as beau même faire la salat, faire le siyam, faire les arkan de l'islam. Il y a des choses qui te sortent de l'islam si jamais tu les fais. T'as même? Après, il y a des conditions. Non. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل يعني التوحيد فهمناه أن هذا من الجهل من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. Donc il dit maintenant cette qissa, cette histoire citée des Bani Israël et de ses sahaba, l'erreur qu'ils ont faite, nous démontre que le musulman, voire même le savant, peut tomber dans une forme de shirk sans même s'en rendre compte. Donc cela nous appelle à apprendre et à être prudent, voyez, et à savoir également, à savoir que le jahil qui dit le tawhid, on l'a compris, cela c'est parmi les plus grandes formes d'ignorance de jahil et parmi les choses de shaitan. Donc regardez bien. Et après, on a des gens, Ajib, qui ne parlent même pas l'arabe, c'est-à-dire le mushaf, tu donnes le mushaf, il ne pourra pas comprendre les versets qu'il y a dedans. Les hadiths, il ne pourra pas les comprendre. Les kutub des ulama, tels qu'ils ont parlé, et leurs audios ne pourront pas les comprendre. Les kutub de salaf, ils ne pourront pas les comprendre sans traduction. Et après, ils vous disent, on maîtrise le tawhid. On maîtrise, c'est pas, on a compris les bases du tawhid. Ça, ce serait ahouin, ce serait correct de dire, on a compris les bases du tawhid. Là, c'est, on maîtrise le sujet du tawhid. Alors que les Banu Israël avaient avec eux des ulama. Ils avaient avec eux Moussa alayhi salam. Et il disait bien l'auteur, ils avaient de la science, de la réforme. Ils avaient la croyance. Ils avaient l'islam plutôt. Et regarde pourtant ce qu'ils ont fait. Donc un alim même, il dit que l'auteur, ça peut arriver à un alim. Alors que dire de l'iman wa duna dhalik. La ilaha illallah. Et il dit ça, c'est parmi les plus grandes formes d'ignorance. Et parmi les ruses de shaitan sur la personne. Qal, wa tufidu aydan an al muslim al mujtahid iza takallama bi kalam kafar, bi kalam kufr. وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته وأنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. Également, cela nous apporte, nous démontre que le musulman mujtahid, c'est-à-dire celui qui a fait un effort de lui-même, qui a interprété de lui-même, qui agit de lui-même, s'il parle une parole de kufr, sans s'en rendre compte, après qu'on lui, on le rappelle, on le reprend, on le corrige, et qu'il se repense sur le champ, alors qu'il ne mécroit pas celui-là. Comme cela fut le cas des Banu Israël et de ceux qui ont agi, de ceux qui ont interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فقال المسلم إذا قال ما يقتضي الكفر جاهلا بذلك ثم نبه فتنبه وتاب في الحال فإن ذلك لا يضره لأنه معذور بجهله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو استمر على ما عمله من الكفر فإنه يحكم بما تقتضيه حاله. Donc il dit bien, le musulman, si jamais il fait du kufr, en étant ignorant de cela, puis qu'on lui, on le reprend, on le réprimande pour cela, et qu'il se rattrape sur le champ et fait tawba, alors cela ne lui nuit en rien, inshallah ta'ala, car il est excusé par l'ignorance. Donc ça c'est également parmi les mas'ala de l'ignorance. Car Allah n'impose pas une charge à une âme, que ce qu'elle ne peut supporter. Si par contre il perdure et persiste sur cela comme œuvre de kufr, alors on juge sur lui de ce qu'il découle de cet acte. Et ça c'est valable également pour la bid'a. Et c'est également valable pour le fisq ou al zalika. La personne, tu le fais iqamat al-hujja, tu lui dis, il persiste et continue, alors que tu lui as démontré les preuves et il continue, alors là un jugement sur lui s'établit. Hada wa hukm ad-din. C'est comme ça en religion. Et t'as des gens malgré cela, ils marchent sur la qa'ida, nansah, wala nahdim. On conseille, mais on ne détruit pas. C'est-à-dire que même pour eux, même le alim, du fait que c'est un alim, quelle que soit l'erreur qu'il fasse, si c'est un alim salafi, on ne peut rien lui dire. Et si jamais tu le blâmes, tu es accusé d'être un haddadi, je ne sais quoi. Parce que d'autres savants n'ont pas été d'accord. Les œuvres, l'erreur, elle est devant toi. La hujja de cette œuvre, elle est devant toi. Ce alim, la hujja lui a été donnée et continue quand même. Les gens te reprochent de le critiquer. Fahimtum? Ça ressemble à la choubouette de ces gens-là. La personne, elle a dit, la ilaha illallah, elle fait salat, elle fait zakat. Elle donne la zakat, elle fait le hajj. Si elle fait du kufr, on dit c'est du kufr, ils veulent pas accepter, ils disent c'est un takfiri. C'est la même chose. Ben, eux te disent c'est un haddadi, c'est la même chose qu'ils font. Comme vous le regardez bien. Donc eux, ils disent après cela, on rejette l'erreur du savant, mais on garde le respect du savant, et kaza, son statut, et kaza, et kaza. On dit non, jusqu'à quand le savant, il reste savant, est-ce qu'il a fait comme erreur? Même s'il fait du kufr, il fait de la bid'a, on ne dit rien sur lui. Ça, c'est une rien envers l'islam de faire cela. Eh ben, en islam, celui qui suit l'épreuve, il agit en conséquence. Avec que ce soit un alim, que ce soit un talib, que ce soit un ami, qui que ce soit, parce qu'il découle de son acte, si l'argument a été établi, la preuve a été démontrée, après on agit en conséquence. Quel qu'il soit. ثم قال وتفيد انه لو لم يكفر فانه يغرض عليه الكلام تعريضا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit que même si la personne, regardez bien, même si la personne n'a pas mécru, il faut lui parler durement, car ce qu'il a fait c'est très très grave. Comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec les compagnons. Il a été dur envers eux. Il a dit Allahu Akbar, inna la sunan. Il dit Allahu Akbar, c'est les traditions. Vous faites et vous dites, il dit par celui dont mon âme est entre sa main, vous avez dit comme on dit, Banu sallallahu alayhi wa Moussa, accorde-nous une divinité, comme cela une divinité. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé Tayyib, ses compagnons, à ces gens-là pour ce qu'ils ont fait, et il a parlé durement sur eux. Et ça, c'est la tarbiya islamia. Celui qui fait une erreur, même grave, tu lui réponds durement. Et les sahabas sont bien meilleurs que tous les savants de notre époque aujourd'hui. Contrairement à ce que pourraient faire croire des gens comme ce genre Islam ibn Ahmed, qui dit que certains d'entre nous, à notre époque, peuvent être meilleurs que certains des sahabas qui sont venus en dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que même si l'un d'entre nous ou dépensait tout ce qu'il y a dans Uhud en or, c'est une montagne en or, il ne saurait jamais la valeur des sahabas. Et lui vient te dire qu'à notre époque, des gens peuvent être meilleurs que certains des sahabas qui sont de la catégorie qu'il a fait, ceux qui n'ont pas été parmi les premiers. Par contre, nous sommes éprouvés comme ignorance et comme par innovateurs en cette époque. La sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui on a appris ça, c'est Shobohet. Pour répondre à ces gens-là qui disent que celui qui dit la ilaha illallah, qui fait la salat, qui donne la zakat, qui fait le hajj, rien des cas, on peut rien lui dire. Le fait de le rendre mécréant, même s'il fait du kufr ou du shirk, c'est le takfir. C'est pour cela qu'il traite cet imam de takfiri. Et aujourd'hui, pareil, les soufis ou les gens qui font du shirk, yastaghisou nabil amwat ou rien des cas, quand tu leur démontres que ce qu'ils font c'est du shirk, et après tu les rends mécréants, ils disent que c'est un takfiri. Et alors, finalement, ils faisaient pareil, il y a des mecs, ils nous traitaient de takfiriyin. Ils insultent les sahaba, ils les rendent mécréants eux. Men aoula bit takfir al-an. Qui est plus en droit d'être jugé de takfiri? Ils rendent mécréante Aïcha, radiallahu anha, ou min mu'minin, la traite de Zaniya, ainsi qu'Abu Bakr et Omar, et Othman, radiallahu anhum, et d'autres sahaba. Ça, c'est du kufr, wadih, car Allah dans le Coran a fait leur éloge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait leur éloge. Et nous, quand on les rend mécréants pour cela, ils disent qu'on est takfiri. Regardez taqlib al-haqa'iq. Hada shay'un 'ajib. طيب سنقفنا اليوم الحمد لله وسنواصل في دروس القادمة سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك